1. L'odeur du pneu dérangeait le coureur courageux. 2. La sœur du valeureux voleur portait un nœud dans les cheveux. 3. Elle n'a qu'un vœu, partir ailleurs sur la terre de ses aïeux. 4. Le percepteur curieux et râleur était en fait malheureux. 5. Qui vole un œuf, vole un bœuf, mais qui vole des œufs, vole des bœufs. 6. Le facteur était heureux d'offrir des fleurs. 7. Après 2 heures dans la chaleur, les fleurs meurent. 8. Les yeux du violonneux reflétaient sa douleur. 9. Après 2 heures, l'odeur des moteurs me soulevait le cœur. 10. La meule de paille a pris feu sous ses yeux.